Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Landry, attaché politique de l'AGE UQTR, qui va venir nous parler de Michel Chartrand aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Simon. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien en ce mercredi matin. Oui. Oui, comme donc, on a une grosse perte hier là, quand même. Oui, mort à l'âge de 93 ans, monsieur, avec un grand M majuscule pour lui, Michel Chartrand, syndicaliste de renom, que certains voudront caricaturer en le traitant de personnage excentrique, ouais, de personnage verbeux. Mais c'était d'abord et avant tout un grand Québécois épris de justice sociale qui s'est battu pour les plus pauvres, pour les plus démunis, mais surtout pour les travailleurs de tout Acabie, donc tous ceux qui étaient exploités par la grande classe capitaliste ennemie chère à Chartrand. Sans discrimination, sans priorité pour un groupe ou un autre. Et d'ailleurs, si tu parlais du personnage, c'est drôle parce que j'ai pas écouté l'émission, mais on m'a dit que Mario Dumond a fait allusion à Michel Chartrand comme étant uniquement qu'un personnage qu'il n'aimait pas vraiment. On dit, bah, c'est quand même un personnage intéressant, faut qu'on le salue. Ouais, on s'entend que Dumont et Chartrand, lorsqu'ils se croisaient dans la rue, c'était plutôt des regards fuyants de la part de Dumont et un regard avec des couteaux acérés dans les yeux de Chartrand. Ouais, probablement aussi accompagné de quelques commentaires de la part de M. Chartrand qui n'avait pas la langue dans sa poche. C'est clair. Mais d'ailleurs, petite citation, parce qu'on sait, on reconnaît Chartrand facilement aujourd'hui de par ses citations qui ont marqué son parcours politique et syndicaliste. J'ai ici une petite citation qui va écorcher toute la classe politique québécoise. Ah ouais? Oui, regardez. Le PQ, puis le PLQ, ça se ressemble comme une paire de fesses. Puis l'ADQ, c'est le trou de cul entre les deux. Ça, c'est Chartrand à son meilleur, donc qui n'épargne personne. On savait que Chartrand était très politisé depuis sa jeune trentaine, qu'il s'était impliqué dans l'action politique. D'abord, pour faire un bref survol, très très bref, lors de la crise de la conscription en 1942, mm-hmm. Toi qui es historien, t'as su que les Canadiens français avaient voté majoritairement non au plébiscite. 20% des Canadiens des Québécois étaient pour, 80% étaient contre. Voilà. Et c'était l'inverse au Canada anglais. Exactement. Et donc, le gouvernement s'est légitimement disant le pays est d'accord, donc on va imposer la conscription. Chartrand a été mobilisé, a fait partie du corps de l'armée canadienne, des forces armées canadiennes en 1942. C'est tout à fait aberrant aujourd'hui de voir ça. Mais il a été rapidement démobilisé pour objecteur de conscience. Il refusait de recevoir des ordres en anglais. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu une série télévisée qui a été faite. Entre autres, Luc Picard qui jouait le rôle de Michel Chartrand. Geneviève Rioux pour la femme de Chartrand, donc Simone Monet-Chartrand. Simone Monet-Chartrand qui, d'ailleurs, donc deux très très bons acteurs jouent ce rôle-là. Entre autres, Luc Picard. Pareil. Identique. Et justement, il y avait tout cet épisode-là, la conscription, il s'était fait, pas emprisonné, mais il avait été mis, donc... À l'écart, c'est ça. Aux travaux forcés, donc pas shop et discipline militaire. Puis Chartrand, il dit, pas de problème, moi, on me paye pour me mettre en forme, donc... ça ne dérange pas. Donc, suite à cela, après sa brève expérience militaire, Chartrand a milité pour le Bloc populaire. C'est un bloc, si on voulait faire une comparaison aujourd'hui, c'est Québec solidaire, mais fédéraliste. OK. C'était un parti de gauche qui était très éphémère. Jean Drapeau était un des chefs. André Laurendeau aussi, donc les grands intellectuels de l'époque. Ouais. Et Chartrand aussi était un des grands penseurs de ce parti-là. Il y avait le penchant Ottawa et le penchant québécois. Et Chartrand s'était impliqué dans la cause québécoise, bien entendu. Il l'avait à cœur. Il était très nationaliste. Donc, le Bloc populaire, en 42, débarque le total aux élections en 44. Donc, c'est sabordant en 46. Donc, 4 ans. C'est vraiment un parti fait pour... Éphémère. Contre la conscription, en réaction à la conscription. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à s'intéresser à la cause sociale, à la cause politique. Et c'est en 49 à Asbestos, la grande grève qui a ébranlé le pouvoir à Québec et qui a, selon plusieurs historiens, enclenché le mouvement de la Révolution tranquille. Donc, Duplessis qui envoie les policiers, la SQ, la police provinciale, donc son bras armé, Asbestos pour tirer dans la foule parce que les mineurs étaient en grève pour avoir de meilleures conditions salariales, on s'en cache pas, mais surtout pour avoir une protection de santé. Ben oui, parce que tu travailles dans l'amiante, là, c'est... L'amiantose n'existait pas encore à l'époque, on l'avait pas découvert, mais on a su Quelques années plus tard, l'amiantose était la cause principale du décès des mineurs au Québec. Les gens allaient pas bien, les problèmes de respiration, ils n'étaient pas équipés pour ça. Voilà. Donc, Chartrain était là, et devant la foule, il militait pour le CTCC, l'ancêtre de la CSN, donc le syndicat catholique des Canadiens, le syndicat des travailleurs catholiques du Canada, ouais. Le CTCC. Donc, l'ancêtre de la CSN, et Chartrain, il va là en tant que délégué de Montréal pour aller appuyer les boys. Et puis là, comme je disais, les policiers étaient sur place. Chartrain a dit « Non, regarde, les policiers, c'est pas eux qui vont venir faire la loi chez nous. On est sur notre terrain de travailleurs, donc on va y aller. » Et là, le policier commence à le fixer du canon. Puis là, Chartrain, lui, avec toute sa verve et surtout son orgueil, il dit très clairement au policier « Chris, arrête de shaker, tu vas me manquer. » On voit le personnage en tant que tel, il avait pas peur du tout. Et puis là, bon, son action politique déboule. Les années 50, 60, fait partie du NPD. À l'époque, c'était le CFCC, Commonwealth Federation, le CFC. Ensuite, il fonde le Parti social-démocrate. Il l'a fondé ensuite en 1963 le Parti socialiste du Québec. Donc, un parti très éphémère qui est mort en 68 de sa mort. Mais il a milité pour le RN. S'il n'a pas milité activement, il a soutenu très activement les militants du RN. Et ça a mené jusqu'à son incarcération en 1970 avec la loi des mesures de guerre de son bon ami Pierre-Éliott Trudeau. Parce qu'ils étaient amis dans la vie. Il ne faut pas oublier ça. Ils avaient milité dans la CTCC avant. Et Trudeau a pris une tangente beaucoup plus nationaliste, fédéraliste. Effectivement. Et centre-droite-droite. C'est ça. Et tandis que Chartrain, lui, demeurait fidèle à ses opinions, demeurait dans l'action syndicale. Donc, se fait emprisonner pendant 4 mois sans aucune accusation de déposer contre lui. Avec les défalquistes, Gaston Miron, incarcéré également. Incarcéré, Pauline Julien. Même sa femme, Simon, qui a été incarcérée très peu de temps parce qu'on n'avait rien contre elle. Et à l'époque, emprisonner une femme, tu touches pas à ça. Mais non, mais c'est ça. Les femmes, de toute façon, n'étaient pas... C'est ça. Si on reprend la mentalité de l'époque, il n'y avait pas vraiment de danger avec les femmes. Exactement. Donc, ensuite, continuer à militer au sein du conseil central de la CSN à Montréal. Donc, il était vraiment d'inspiration marxiste sans être communiste. Chartrain détestait les communistes pour la simple et bonne raison qu'ils étaient athées. Et Chartrain, c'est un grand catholique fervent. Oui, le catholicisme social, comme il se plaisait à l'appeler. Donc, il faut aider son prochain. Comme Jésus nous l'a enseigné, il faut aider son prochain. Et il y avait d'ailleurs, il voulait devenir moine. Trappiste, oui. Avant la conscription, il était trappiste à Oka. Et c'est les moines cisterciens. Je ne connais pas. Ça, c'était des moines muets. Oui, c'est donc, ça. Il ne devait pas prononcer un seul mot, sinon c'était la pénitence. Et on s'entend que Chartrain, ne pas parler, c'est comme une aberration mentale. Tu peux pas, là. C'est indissociable. Donc ça, c'était un beau clin d'œil pour lui. Et sa plus grande réussite à Chartrain, selon lui-même, à part avoir éveillé la conscience d'une génération complète, c'est en 1983, il a créé la Fondation pour l'aide aux travailleurs et travailleurs accidentés, donc la FATA. Ah. C'était une instance qui était pour venir en aide, avec l'aide de médecins, de juristes, de gauche et syndicalistes, pro-syndicalistes, pour venir en aide aux travailleurs accidentés qui n'étaient pas reconnus par la CSST. Donc, tu te brisais une jambe sur ton lieu de travail, tu n'étais pas couvert par la CSST. Donc, ils te renvoyaient chez vous sans rien, sans assurance au chômage, ça, sans rien. T'es tout nu dans la rue. Là. Exactement. Donc, il a créé la FATA et c'est là que c'est sa plus grande réussite, dans le fond. Il a été... encore aujourd'hui, il se félicitait de ça. Et sa deuxième plus grosse réussite, c'est la conscience politique et surtout d'avoir toujours continué à plaider pour la même cause jusqu'à sa mort. Oui. Et si on se rappelle, il a toujours été fidèle à lui-même, même à l'âge de 86 ans, 80... Ouais, oui, 80. Si tu te rappelles, en 96, c'est Lucien Bouchard qui est au pouvoir. Oui. Donc, il y a des élections qui s'en viennent. Oui, monsieur Lucien. Et Bouchard, lui, un pré-lucide, se dit, on va créer le projet de déficit zéro. J'aime tellement ça, là, le déficit zéro. Ça fait plaisir aux oreilles. Hein. Incroyable. Donc, on va sabrer partout, sauf chez les riches, évidemment, pour arriver au déficit zéro. Si on se rappelle bien, Charest, là, quelques semaines, budget, déficit zéro, on s'entend. Donc, c'est la même clique. Donc là, Chartrain, il n'est pas d'accord, pas en tout. Il dit, regarde, c'est pas déficit zéro qu'il faut implanter, c'est la pauvreté zéro. Ouais, donc, il se présente en tant que candidat indépendant dans Jonquière contre Lucien Bouchard. Il arrive deuxième, mais par une faible majorité, Lucien Bouchard passe. Ah ouais, ça, je savais pas ça. Par contre, il s'était présenté dans le même comté. Dans le même comté pour le faire chier. Excusez-moi, mais c'est carrément ça. C'était le cas. C'était le cas. Et puis, il était indépendant, candidat indépendant, mais il était inscrit sous le nom du Rassemblement pour une alternative politique. Okay. Qui, en 98, a donné naissance à l'Union des forces progressistes. Oh, qui est devenu en 2005 solidaire. Québec solidaire. Ah. Donc, on voit l'affiliation de Chartrand, toujours fidèle à lui-même, socialiste de cœur, syndicaliste de passion, mais toujours épris de justice sociale pour un projet collectif sans pauvreté, sans aucune exploitation du méchant modèle capitaliste de la civilisation occidentale. Ah, quel homme. Quel homme. Franchement, on en a perdu un. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Donc, si ça vous intéresse, j'ai peut-être des documents à vous faire lire ou regarder. Oui, ce serait intéressant. Un documentaire, très beau documentaire qui dure une heure, fait par son fils Alain Chartrand en 91. C'est un homme de parole. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, mais vous pouvez aussi le louer dans les bons clubs vidéo au Colimaçon, c'est certain qu'il l'a. Ah oui. Donc, c'est un parcours de Chartrand de sa naissance jusqu'aux années 90. On voit Michel Chartrand, oui, le militant, mais d'abord et avant tout, l'homme, chez lui, en train de faire sa bouffe, en train de lire un recueil de poésie, en train de parler à ses enfants, en train de se promener sur sa rivière Richelieu préférée. Donc, on le voit chez lui. Ensuite, trois livres. Michel Chartrand, écrit par Fernand Foissy, qui est son bras droit dans l'action syndicale. Donc, les dires d'un homme de parole. C'est un recueil de citations de Chartrand sur chaque thème. Donc, mouvement étudiant, mouvement des femmes, Israël, la Palestine, les États-Unis, le nucléaire, le Vietnam. Donc, c'est thématique. Ouais. Très bon livre. Ensuite, sa biographie en deux tomes. Les voix d'un homme de parole, 1916-1967. Suivi de La colère du juste, 1968-2003. Donc, quatre documents à se procurer pour ceux qui veulent connaître, du moins, le passé syndical du Québec. Et sinon, en particulier, Michel Chartrand, son action, sa vie en tant qu'être québécois, en tant que militant pour la justice au Québec. Bien, parfait. On va essayer de se renseigner le plus possible. Et également, donc, vous pouvez lire les journaux aussi, parce qu'il doit avoir des... Samedi, le devoir cahier spécial sur Michel Chartrand. Bon, je vous invite justement. À lire. Donc, les gens pourront se renseigner également là-dessus. François Landry, merci énormément d'être venu ici ce matin, parce que, donc, je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout, et Michel Chartrand est un personnage que je connaissais à cause, justement, du personnage, mais la personne, en tant que telle, j'ignorais un peu. Donc, tu as éclairci nos auditeurs. Ben, ça m'a fait plaisir, Simon. Merci beaucoup. Donc, on se revoit une prochaine fois. Une prochaine fois, certain. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Jab Jab Bar. On s'appelle et on déjeune le matin... On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est Dadec. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.